Ipagi maboko singigo singigo go go mama. Ipagi maboko singigo singigo go go singigo. Mawa ga ga ga. Kana kwa ketonga so go go aitaga. Ila ga mi bara so na zintio go go mudo. Mawa ga ga ga ga. Ipagi maboko singigo singigo go go mama. Ipagi maboko singigo singigo go go singio. Napaga mama tinye mosala mito kaso. Timotilo na maboko tinyo go go singio. Namiri mi ke toto na mo go go tino. Napaga napaga mama. Ipagi maboko singigo singigo go go mama. Ipagi maboko singigo singigo go go singio. Timo Dillon, I'm a poco, Timo, oh, Timo, I'm a big, ndenge totonamo obotino tapara tapara mama kibangi maboko singigo singigo obo mama kibangi maboko singigo singigo obo singio tapara mipo singwa nitira pivu bato monulo na maboko tino toto na zwa soho tapara tapara zanya kumbu wala yo wala yo Minasema eh, Ibagi maboko singigo singigo oh mama, Ibagi maboko singigo singigo oh singio. Alléluia. Thank you.

bagito maso mini miwali awema imukolige iwara meni kolige sonza papa mawati nayati guse iwara molege okoe ade confiance aux hommes a koliti fadiso lomu molozia nadara pinini loke momo Alinga kete moga karakazi, mokwi donga na sinoe. Nyela kolia inye negebe, nyesha kolia kegi yogo. Kete meka lo migi yegebe, watilo kwete kesaka ogo. Agostino, le maître des sons de la magie noire, du droit de mon goût. Dépense ce quoi, papa gasse la maman. 6 millions. Dépense ce quoi, papa gasse la maman. Chérie, mon kiné a des caméléines noires. Wali. Dépense ce quoi, papa gasse la maman. Dépense ce quoi, papa gasse la maman. Chérie, mon kiné a des caméléines noires. Wali. Thank you. boka ke tomboka ke tiba ulege ake kotaka wali na kwa sape moye mokwe gu moye mokwaga je mafuna leze na leze si tu n'as pas papa moi je m'en fous si tu n'as pas papa bon tes parents regarde akamu kapatizo akazia tanganiki papa la bukidu tingo kibira mowali papa kakiti toko mawa fosino ala tere nalo akamu kapatizo akazia tanganiki papa la bukidu tingo kibira mowali melfi kakiti toko mawa Bembi bembi baga baga, ala tene nalo, akemuka petito, akendi atangani. Kapara poti do tingo kibira mowali, poti poti na. Ege ferro ferro ferera ge, ala tene nalo, akemuka petito, akendi atangani. Kapara poti do tingo kibira mowali, ilvenge. Tongo papa gege, ala tene nalo, akemuka petido, akendi atangani. Kapara poti do tingo kibira mowali, bataya. Ege seri kapeka lage, ala tene nalo, akemuka petido, akendi atangani. Kapara poti do tingo kibira mowali, lorita. Pour le podium. Comme ça. Je m'en fous, même si tu veux partir, bon débarras. Si tu ne m'aimes plus, moi je m'en fous, même si tu veux partir, bon débarras. Apprenez-moi. Thank you. Paladin, Paladin, Paladin, thank you.